test en deux tests. Test. Voilà, donc on est sur Radio Mon Pays et ce petit test technique s'est très bien déroulé. Merci DJ Bisou. Donc on est dans Blood at Roots pour notre émission mensuelle. Et petite anecdote, pour commencer, on peut noter que l'équipe historique est au complet ce soir. Et donc on commence cette émission préparée par Mathieu sur le thème d'ailleurs. Tu peux nous rappeler peut-être le thème de l'émission que tu nous as concocté pour ce soir ? Ouais, alors ce soir on va parler de Northern Soul. Un mouvement musical, un mouvement de danse qui est né dans le nord de l'Angleterre, d'où son nom. Donc on verra comment ce mouvement est né. Pour commencer, je propose plutôt de faire un petit récapitulatif sur le mouvement des mods, avec Stéphane qui est un peu la caution mods de l'émission. Donc tu me corriges. Corriger, comment ça? Oui, je te corrigerai, ouais. Mais simplement une petite référence, c'est Mouvement Mode, on avait parlé dans une excellente émission qu'on avait faite sur la culture populaire et pour introduire sur les modes, et on avait justement parlé de cette sous-culture populaire british des années 60 qui était le mouvement Mode. Alors du coup, peut-être qu'on peut proposer une brève description de ce que sont les modes auprès de notre public. Je vais m'y essayer. Ouais. Donc, pour moi, les modes, c'est, on est en Angleterre à la fin des années 50, donc c'est l'Angleterre post-Seconde Guerre mondiale. Donc ça commence à émerger, pas qu'en Angleterre, mais le fait que les adolescents cherchent un peu à se distinguer des adultes, à écouter une musique un peu différente de leurs parents. Et donc les jeunes en Angleterre, à cette époque, ils cherchent surtout à écouter de la musique afro-américaine. Ah, donc, c'est en lien avec, je pense, le thème phare de l'émission, donc excellente chose. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est surtout la soul. À la fin des années 50, c'est pas encore la soul, mais c'est plutôt le jazz, enfin surtout les modes. Oui, parce que les modes viennent de moderne, les modernistes, et viennent en fait de modern jazz, qui s'opposait au jazz traditionnel. Donc ça c'est sur la thématique du mode. Mais après, ils vont plus s'opposer aux musiques traditionnelles, enfin pas traditionnelles, mais aux rockers, quoi. Et ils écoutent aussi, si je ne me trompe pas, du rhythm and blues. Et plus tard, ils écouteront du ska. Alors plus tard, ça deviendra du ska. Ouais. Enfin, les modes, ça n'existera plus. Enfin, ça n'existera plus. Dans leur façon de vivre, dans leur sous-culture, ça va donner naissance au ska, au skin, tout ça. Mais je pense que tu reviens après, il me semble. Rapidement, oui. Mais c'est l'idée. Après, il faut recontextualiser cette période. C'est aussi un peu le début de la fin de l'Empire britannique. Donc il y a aussi des choses qui se passent à ce niveau-là, c'est-à-dire aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, essayer d'imposer sa culture, etc. etc. quoi. Si je rebondis sur les modes, hein, l'idée c'est que c'est des urbains, filles, garçons, noirs, blancs, avec un pouvoir d'achat, mais parce qu'ils bossent en fait, c'est pas forcément qu'ils sont riches, c'est que c'est des employés ou des dockers par exemple à Londres, et ils claquent leur pognon dans les fringues, on en reparlera, les amphétamines, et les disques. Voilà. Ils arborent aussi des coupes de cheveux issues de la nouvelle vague française. Ouais, aussi. Ouais. Ouais. Et j'ai oublié les scooters, bien sûr, qui est l'image de marque quand même du mode. Donc ils claquent leur pognon là-dedans. Et le truc important que j'ai pas dit, c'est que c'est une des premières sous-cultures, parce qu'en fait, à l'époque, la musique que les modes aiment écouter ne passe pas à la radio. Donc ils se débrouillent un peu pour se procurer la musique qu'ils aiment. Je crois que c'est surtout chez les disquaires, chez aussi y a beaucoup de marines américains qui viennent pour faire leur service militaire en Angleterre et qui prennent avec eux des disques dans leur bagage. Et ils se fournissent aussi beaucoup comme ça. On les entend un petit peu les modes là derrière. Ils sont venus te soutenir pour ta première émission. Mais oui, il y a de ça. Et ils se font connaître justement aussi leur. Parce que c'est lié dans le contexte, c'est lié aussi. Alors tu parles des marines, c'est lié aussi au premier. Aux congés, aux vacances et aux week-ends. Et ils se font connaître aussi justement par ce fameux week-end à Brighton où ils s'affrontent. Ils partent du Nord et de Londres pour aller à Brighton. Et pour tabasser du rocker. Ouais, tabasser non, parce qu'ils en prenaient aussi, je pense. Ils s'affrontaient. Enfin, c'était un peu le début quand on avait parlé dans l'émission de la culture populaire. On assimilait ça parce que leur manière de se fringuer, c'était un peu le début des hooligans anglais en fait. C'est-à-dire propre sur eux. qui bosse la semaine et qui le week-end se lâche. Là, c'était pas sur le terrain de foot, c'était sur les plages de Brighton, donc ils se coursaient avec les rockers, qui considéraient comme des racistes, parce que les autres, ils avaient des drapeaux sudistes, comme des vieux, comme des un peu bourges, enfin les mecs déjà un peu plus installés, alors que, comme tu disais tout à l'heure, ils étaient plutôt dans la revendication, enfin anti-parental, etc. Donc c'était un peu son mode de confrontation, quoi. Et une autre chose qu'ils aimaient beaucoup, donc c'était de se retrouver dans les clubs pour danser, la plupart du temps sous amphétamine. Pour tenir toute la nuit aussi, c'était ça. C'est ça. C'était vraiment, ils dansaient vraiment toute la nuit sur ces fameux musiques soul ou jazz ou autre. Du coup, oui, ça c'est vraiment, la danse, les clubs et la drogue, c'est vraiment une caractéristique commune au mouvement mode et à tous ces embranchements futurs. Donc j'en reparlerai. Donc je crois qu'on a assez bien décrit le mouvement mode, mais sur le déclin, alors je pense que le mouvement mode se met en déclin vers le milieu, la fin des années 60, parce que alors c'était, on avait, en préparant l'émission, on n'était pas tout à fait d'accord, parce que moi je disais que c'était à ce moment-là, il y a une partie des modes qui se sont mis à écouter du rock, du coup justement, enfin plutôt du rock psychédélique. Ouais, ouais. Je pense qu'ils ont suivi en fait le groupe phare de l'époque, c'était les Who. Et en fait, si tu regardes la progression musicale des Who, c'était musique Motz, avec My Generation, tout ça, c'est l'hymne Motz, en fait, quelque part. Et ça recoupe bien ce que tu disais par rapport aux parents ou autres. Et après, les Who, c'est l'opéra rock Tommy, par exemple, et on vient dans le rock un peu sous-acide, quoi, acidifiant. Et donc, il doit y avoir certainement une partie qui a suivi. Et une autre partie, par contre, qui a fait un rejet total de ce mode de culture, voire plus loin, ce mode de culture hippie. Là, pour le coup, ils vont considérer que les hippies, c'est des gens qui n'ont que ça à faire penser, ils ont besoin de travailler, c'est des bourges, pour eux, c'est ça, quoi. C'est des cheveux longs, ils vont avoir les cheveux courts. Alors, sur les cheveux courts, il y a plein d'idées, hein. Il y a plein d'idées sur le fait, lors des bagarres, d'avoir les cheveux courts, c'était mieux, etc., etc. Et c'est là où ça va engendrer, finalement, des modes beaucoup plus durs, donc certainement ce qu'on va retrouver dans l'Angleterre, et la branche skin, mais skin... ce qu'on appelle des vrais skins, c'est-à-dire des skins de gauche, des skins, il y avait des fils d'immigrés jamaïcains, ça c'était des vrais skins. Après c'est parti en sucette, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, sur le côté psychédélique, je pense que le phénomène Wu a certainement dû jouer en bonne partie, plus ce qui se passait à l'époque. C'est-à-dire ce côté revendicatif beatnik, ces grands festivals, etc., etc. Bon, ils passent dans vitamine et l'acide, c'est pas non plus... c'est un petit gap, quoi. Et donc oui, avec le. Donc il y a à ce moment-là, il y a deux embranchements qui émergent du mouvement mode, c'est les skinheads, enfin les deux mouvements principaux, c'est les skinheads, et dans le nord, plutôt nord-ouest de l'Angleterre, qui est une région plutôt industrielle. Donc c'est des villes comme Manchester, Wigan, Blackpool, où vraiment la plupart des gens occupent des emplois dans l'industrie. Et eux, ils ont vraiment envie de se défouler le week-end, puisque ouais, ils ont un travail très physique. Et ils veulent continuer à écouter de la musique vraiment rythmée dans les clubs. Donc la musique hippie, le rock psyché, ça leur va pas du tout. Donc c'est pour ça qu'ils vont continuer, eux, à écouter la soul qui avait déjà commencé à envahir le mouvement mode. Et en particulier, ceux qui appartiennent au mouvement Northern Soul, eux, ils vont tomber en amour avec le son Motown. Donc ils vont vouloir continuer à écouter des morceaux de ce genre-là, sauf que vers le milieu des années 60, ça commence déjà un peu, de l'autre côté de l'Atlantique en tout cas, la soul commence déjà à passer de mode. On est plutôt en train de passer à de la soul psychédélique avec des trucs comme James Brown, les Temptations. Donc eux, ils veulent continuer à écouter de la soul à l'ancienne. Donc, ils vont plonger chez les disquaires pour trouver des morceaux qui ont été délaissés ou des démos qui n'ont jamais été diffusés à grande échelle. Et c'est là que débute la grande aventure de la Northern Soul, ouais. J'imagine. Voilà. Et sachant que Northern Soul, en plus, c'est lié au fait que ce soit dans le nord de l'Angleterre, parce que certains croient que vu que c'était la Motown, c'était style le nord des États-Unis. Mais en fait, non, c'est lié au fait que c'est vraiment un mouvement qui a pris racine dans le nord de l'Angleterre. Un petit peu de précision comme ça. Pour découvrir tout de suite à quoi ressemble la Northern Soul, parce que je vois qu'on s'impatiente en cabine, je vous propose de commencer par deux morceaux emblématiques qui s'appellent Out on the Floor de Dobie Gray et You Didn't Say a Word de Yvonne Baker, et on en reparle ensuite. guitars are ringing. The chicks are out of sight and everything's swinging. Yeah. The room is packed up tight, lined at the door. Oh, yeah. So I'm getting my kicks out on the floor. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, some more. Hey, hey, hey, I know you feel like me. Ah, c'est ça le son Northern Soul, c'est un son Motown assez typique. Alors, si on devait le décrire techniquement pour les puristes, c'est le plus souvent un rythme en 4-4. Donc, tout à fait. Un beat sur chaque temps. Swingé d'ailleurs. Je sais pas, ça tu connais mieux que moi. Un tempo rapide, parce que c'est fait pour danser. Une mélodie entraînante, toujours un peu joyeuse, même si les paroles le sont pas forcément. Bon, c'est de la soul, donc les paroles c'est surtout chansons d'amour, sans trop de discours politique. Hein, ça reste par rapport à la soul psychédélique qui se développera plus tard, c'est vraiment juste des chansons d'amour. Parfois paroles un peu spirituelles aussi, non? Ou je me trompe? Bah, pas vraiment, justement, c'est plutôt la soul psychédélique qui est... à la même période se développe de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, avec les Temptations, James Brown. Là, il y aura plus de discours politiques, mais sur la soul Motown historique, c'est vraiment 99% de chansons d'amour. Enfin, en tout cas, toutes celles que j'ai sélectionnées ce soir, je pense que c'est des chansons d'amour. Sinon, une autre chose qui caractérise la musique Northern Soul, c'est la rareté des enregistrements. C'est vraiment leur délire, c'est un peu l'équivalent des hipsters des années 2010. Ils cherchent le morceau le plus rare, celui que aucun autre club ne passe parce qu'ils n'ont pas la copie. Alors il y a même des DJ qui, lorsqu'ils passent les disques dans les clubs, ils vont cacher le nom de l'artiste et le nom du morceau pour que personne ne puisse se procurer une copie de ce morceau et qu'après ce soit diffusé et que ce morceau devienne vraiment un emblème d'un club en particulier. Ouais, il y a cette idée de confidentialité des titres, un genre d'élitisme quelque part, non ? Ouais, bah c'est un, oui, c'est un mouvement très élitiste, enfin en tout cas pour les DJ. Après, ceux qui viennent danser, c'est que, enfin, c'est élitiste dans le sens où oui, on cherche des enregistrements rares, mais le public, c'est des ouvriers qui viennent se défouler le week-end sur la piste de danse. Et donc, la rareté des enregistrements fait que aujourd'hui, il y a certains morceaux qui étaient vraiment des hymnes du mouvement Northern Soul qui dont les copies se vendent vraiment à des milliers de dollars quoi, aux enchères. Donc là justement je vais vous en passer deux. Le premier c'est Do I Love You de Frank Wilson. C'est un titre qui a été composé par Frank Wilson en 65 pour la Motown. Et à l'époque il y avait seulement 250 démos qui avaient été pressées. Mais le truc c'est que Berry Gordy qui était le patron de la Motown appréciait pas le fait que Wilson s'essaye au chant parce que c'était aussi un producteur pour la Motown. Et donc il a mis un peu un frein à sa carrière en lui disant concentre-toi plutôt sur ta carrière de producteur, et il a détruit toutes les démos. Donc on en a retrouvé quelques-unes, entre 2 et 5 selon les sources. En tout cas il y en a une qui s'est vendue pour plus de 25 000 euros en 2009. Donc c'est 25 000 euros pour un 45 tours. Et c'est aussi un titre qui est rentré dans la légende parce que c'est le dernier titre qui a été passé lorsque il y a un club, j'en reparlerai plus tard, le Wigan Casino, qui est vraiment un lieu légendaire pour la Northern Soul, qui a fermé en 1981, et donc lors de la dernière soirée, c'est le dernier morceau qui a été passé. Et ensuite, second morceau très rare, Darrell Banks, Open the Door to Your Heart, qui lui a été vendu pour plus de 15 000 euros en 2014, et c'est la seule copie qu'on connaît à ce jour. Donc voilà, on s'écoute tout de suite ces deux morceaux, Darrell Banks et Frank Wilson. No. Et voilà, en bonus, on s'écoutait aussi Barbara Acklin, qui est un morceau que Pierre-Julien me faisait remarquer qu'il connaissait, parce qu'en fait, il y a eu un instrumental qui a été fait peu après la version de Barbara Acklin et qui est devenu numéro 1 aux États-Unis. À peu près à la même période, donc c'est pour ça que ça vous dit peut-être quelque chose. Donc la Northern Soul, c'est un phénomène donc, qui se caractérise par la rareté des morceaux, mais comme tout phénomène, ça grossit petit à petit, et donc il y a des morceaux qui deviennent un peu plus connus, qui sont réédités et qui s'affichent en haut des classements. Donc c'est le cas par exemple de Dean Parrish avec I'm On My Way, qui sera déniché par les diggers de Northern Soul et qui se vendra, qui sera réédité en 1975 suite à son passage dans les clubs et suite à sa popularité dans les clubs Northern Soul. Et donc à ce moment-là, il se vendra à plus de 200 000 exemplaires. Et aujourd'hui, il est même vendu à 1 million d'exemplaires. Et en fait, jusqu'au début des années 2000, l'auteur de la chanson n'était pas au courant du succès que son titre avait en Angleterre. Parce que donc, c'était un Américain qui a sorti ce morceau et deux, trois autres, mais qui n'a jamais rencontré le succès et qui a décidé de changer de carrière. Il est devenu acteur et donc il a changé de nom pour sa carrière d'acteur. Donc personne n'a réussi à le retrouver, même au moment où son morceau était connu. Et on a juste réussi à le retrouver au début des années 2000, où là, le mec... Alors je sais, l'histoire dit pas s'il a touché les royalties sur ses ventes, mais en tout cas, il devait être content de... Il a eu du succès en tant qu'acteur, c'était qui, Clooney ? Je crois pas, non. Enfin, j'ai vu son nom, ça me disait rien, en tout cas. Ça n'a pas dicté, ouais. Non. Et un deuxième exemple dans le même genre, c'est Terry Callier, qui lui a le même genre d'histoire. Il a sorti 2-3 morceaux dans les années 60, il n'a pas rencontré le succès, il est devenu informaticien. À partir des années 90, là, on le retrouve et on l'invite à se produire en Angleterre. Donc dans les années 90, il commence à mener une double vie où il est à la fois informaticien dans une grande faculté aux États-Unis, je ne sais plus laquelle. Et pendant ses vacances, il va se produire dans des clubs en Angleterre. Et à cause de ça, il aurait même été viré de l'université dans laquelle il travaillait quand ils ont découvert sa double vie. Alors j'ai pas trouvé de détails sur l'histoire, je vois pas trop pourquoi il aurait été viré parce qu'il faisait des concerts, mais bon. En tout cas, il a été viré. Donc je vous propose d'écouter tout de suite Terry Callier, Ordinary Joe, et Dean Parrish, I'm On My Way. You're here today, then you're gone tomorrow. You're buzzing round the guy like a bee around the flower, yeah. Thank you. trying to indicate my state of mind. I turn you on, I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit. Oh, but that's what it's for. Come on in, here's the door. And I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And he thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now here's a mystery. And maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it. And all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it. And when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. Just a little bit freer than I. Take your secrets underground. Now politicians are trying to speech you. Mad color watchers are trying to teach you. Very few will really try to reach you. If you're lost in a stack, that's okay. Come on, black. Now I'd be the last to deny that I'm just an average guy. And don't you know each little bird in the sky? Just a little bit freer than I. Hey, ordinary Joe, although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real is nothing but an animated puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. When you think Joe Williams blues you, the sun, you can see how they run. Oh, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And don't you know he thinks it's easy to fly? He's just a little bit freer than I. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Maupaïs 90.1. Pour la spéciale Another Soul, avec, bah, vous venez d'entendre Dean Parrish et Terry Carlier, c'est ça? C'est Carlier. Ça. Bon. Ouais. Bonne prononciation. Ouais, merci, il n'y a pas Pierre Julien, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Alors, je vais vous parler maintenant de trois autres composantes très importantes du mouvement Northern Soul. C'est la danse, les fringues, la drogue. Voilà, donc on se rapproche de ce qu'on disait au tout départ sur les modes. Hein. Voilà, c'est ça. C'est dans l'idée. Hein. Donc les principaux points communs parmi ces trois composantes avec les modes, c'est surtout les fringues. Donc surtout au départ, parce qu'au départ, les gens qui participent au mouvement Northern Soul, ils s'habillent vraiment comme les modes. Donc ils ont les chemises à col boutonné Ben Sherman, voilà, ouais, tu vois ça, les polos Fred Perry, les polos, les costumes italiens, chaussures italiennes ou Doc Martin, ouais, voilà. Et pour protéger tout ça, Enfin, alors, parle des modes. Hein. Ah, par contre, la parka pour le Northern Soul, je sais pas. Ouais, parce que le mode, c'est en fait, ils avaient les fameuses parkas de l'armée, ouais. Mais c'était surtout en fait pour protéger leur belle fringue, ouais. Des intempéries, saut british. C'est possible aussi qu'ils aient porté la parka au début, l'histoire ne le dit pas, mais ils portaient aussi des jean Levi's, oui. Bien moulants. Ouais. Ouais, comme donc ça c'était surtout au début, parce que après le fait que ce soit un mouvement très centré sur la danse et sur des musiques rythmées, il fallait avoir une danse un peu athlétique, il fallait avoir de la place, des vêtements plus amples. Donc voilà, exactement, qui se sont mis à porter des pantalons larges, taille haute, assez courts au-dessus des chevilles pour bien dégager les chaussures. Et puis aussi en haut ils portaient plutôt des débardeurs ou des vestes de sport, enfin des survêtements pour vraiment être à l'aise pour danser. C'est un peu ce qu'on va retrouver toujours dans le Nord quand il va y avoir le mouvement des années 90, tout ce côté Hacienda, ouais, machin, où il y a un côté où ils vont s'en mettre un petit peu en jogging, enfin des mouvements amples, pareil pour danser sur tout ce phénomène. Ouais, c'est ça. Il y a un petit parallèle quand même sur... c'est vrai que sur le bas c'est vraiment caractéristique, ils ont vraiment des pantalons taille haute large qu'on verra je pense que pendant cette période, mais sur le haut ouais, ils ont vraiment ça ressemble au mouvement des années 90 avec des vêtements de sport, tout ça, les vestes Adidas. Des suites plutôt larges, des vestes larges. Et aussi ils ont souvent des écussons brodés sur leurs fringues pour montrer leur appartenance à tel ou tel club. Ouais. Alors ça c'est ce qui se faisait aussi déjà chez les mods, hein, sur les parkas, où notamment les écussons, notamment les cocardes de la RAF, de l'armée de l'air, de l'armée de l'air anglaise. Donc ça c'était déjà dans la culture mode, ce côté cocardier et écussons. Voilà, et là c'était surtout des écussons qui représentaient les clubs, parce que pour rentrer dans les clubs en fait il fallait payer une adhésion, un abonnement. Et donc ils en étaient fiers, donc ils aimaient bien l'afficher. Mmh, c'est d'ailleurs j'ai vu, on parlait tout à l'heure du club de Wigan, le casino de Wigan. Il expliquait qu'au sommet du mouvement Another Soul, c'était 100 000 membres. Ah ouais, donc c'est énorme. Ah, okay. Je savais pas. D'ailleurs, tant que tu parles des clubs, j'aimerais bien citer les autres. Mmh. Donc il y a le Wigan Casino, tu l'as dit, qui était à Wigan. Ouais, à Wigan, ouais. Je pense que c'est un peu le plus connu, parce que c'est celui qui a duré le plus longtemps. C'était à 100 000 membres, de fait. Voilà. Ouais. Un autre qui était assez connu, c'est le Twisted Wheel à Manchester, mais qui a fermé, je crois, assez tôt, enfin au début des années 70, il me semble. Et qui était, lui, pour le coup, particulièrement fréquenté par les Mods du Nord. Ah, d'accord. Je toujours le lien. On avait aussi le Golden Torch, qu'on appelle aussi le Torch à Stoke-on-Trent. Ouais. Fréquenté par les Mods aussi celui-là ou... Alors dans l'idée, oui, à la base, oui, tout, enfin même le casino, hein, le Torch, et puis même, okay. Je sais pas si tu veux citer après le Mecca, la Mecca et les catacombes, enfin The Catacombs. Ah, The Catacombs, je l'ai pas celui-là. Wolverhampton, ça c'est des clubs effectivement qui étaient fréquentés à la base par les Mods, mais qui ont connu leur apogée avec la Another Soul. Voilà. Moi j'ai dans l'ordre un peu chronologique le Twisted Wheel à Manchester, ouais. Le Golden Torch à Stoke-on-Trent, le Mecca à Blackpool et le Wigan Casino à Wigan. Ouais, c'est l'idée. Ouais. Et donc c'est dans ces clubs qui se retrouvaient pour danser. Alors c'est une danse qui est assez particulière là pour le coup et qui je pense ressemble pas à ce que faisaient les Mods, parce que la musique est différente tout simplement. Alors là pour le coup on n'a pas de caméra, mais tu peux nous tu peux faire une petite démonstration de nos ensembles. Faut que je retrouve le nom, mais il y a une chaîne YouTube où il y a une fille qui enseigne les pas de danse typiques du Northern Soul. Je vous le redirai après la pause quand je l'aurai retrouvé. Mais ça se caractérise surtout par le shuffle. Donc le shuffle c'est un mouvement rapide des pieds, parce que la Northern Soul c'est une danse assez statique sur le haut du corps, mais ça bouge très vite au niveau des pieds. Autre mouvement caractéristique c'est les spins, c'est juste des rotations sur soi-même, mais ils en font beaucoup d'affilée, donc ça demande quand même pas mal de techniques. Et après aussi avec l'évolution de la musique qui devient de plus en plus rythmée, on se rapproche un peu des danses disco, ou breakdance, donc ils commencent à faire disco, c'est, ils commencent à faire un peu des coups de pied, puis breakdance, ils font un peu des mouvements à terre. Le côté coup de pied qui sera repris par les Smiths de Morrissey quand il danse le pied en l'air. Ah ouais, là, j'ai déjà vu ça, ça. De Morrissey. Enfin, bon, en fait, ça, parce qu'on parlait de Manchester et tout. Ah bah, il a, aussi, il a hein, pu être influencé. Ah oui, je pense que clairement, il a dû connaître la Northern Soul. Hein. C'était son époque. En fait, tous ces mouvements de danse étaient inspirés par les chanteurs soul américains qui venaient en tournée en Angleterre. Surtout Jackie Wilson, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était un performer soul. Pas vraiment. Enfin, c'était un chanteur soul qui faisait vraiment des grosses performances. Scénique avec une danse assez particulière. Et dernière grosse composante, donc c'est la drogue. Alors, je reviens un moment par rapport quand tu parles de danse particulière, il faut savoir aussi, c'est pareil, quoi, des mecs comme c'est James Bond. La manière de James Bond à cette époque-là, c'était pas vu, quoi. Enfin, les pas qui sortaient, c'était. On peut faire la comparaison pour les plus jeunes avec Prince, qui dans ses mouvements de danse sur scène, enfin voilà, quoi, c'était quand même une nouveauté, quoi. Mais du coup, je pense que James Brown, ça arrivait un peu après, il me semble que c'est plutôt mi-60. James Brown, ouais. Et que c'est plutôt, enfin lui, il faisait plutôt pour le coup du funk et de la soul psychédélique. D'après ce que j'avais lu sur James Brown en particulier, c'est que lui, il regardait beaucoup ce qui se faisait, il s'inspirait beaucoup aussi des pas de danse les plus avancés, les plus nouveaux. Et effectivement, comme il était beaucoup exposé, peut-être pour ça que tu reprenais la fin, ouais. Mais après, est-ce qu'il était créateur de pas de danse? Bon, ça après, ouais, je sais c'est pas. C'est comme le rock'n'roll qui a écrit la référence. Bon, après, tu as abordé un sujet. La drogue. Le sujet qui fâche. Donc alors, là, on était resté sur les modes avec les amphétamines. Ça, c'est clairement. Alors, est-ce que c'est pareil? C'est pareil, c'est amphétamine, speed. Et d'excédrine. Donc c'est des drogues qui permettent de tenir toute la nuit. Voilà, parce que ça, la logique, c'est qu'ils dansaient toute la nuit, en fait. Voilà. Il faut bien, il y avait même des termes qui étaient, alors j'en ai plus le terme anglais, mais c'était vraiment danse de nuit, quoi. C'est all-nighters. Voilà. Parce que, donc c'est, oui, les all-nighters, c'était des soirées qui duraient toute la nuit. Et donc voilà, pour ça, il fallait un peu se tenir. Ce qui donnera peut-être plus tard les 24 party people. Je sais pas, peut-être que je digresse un peu. Les 24 hour party people. Ouais, voilà. Bah, c'est sûr qu'il y a une culture de la drogue dans les différents mouvements musicaux en Angleterre. Mais dans les villes moyennes, comme Manchester, Liverpool, ouais. Plus tard. Et enfin, il y a un autre facteur qui explique qu'il y avait beaucoup de consommation de drogue, c'est qu'il y avait beaucoup de clubs qui n'avaient pas la licence pour vendre de l'alcool. Donc, pour s'amuser, pour... Je recommande pas, mais pour tenir toute la nuit, en tout cas, il fallait prendre ces drogues. Et donc, il tenait toute la nuit sur quel style de musique? Qu'est-ce que tu vas nous passer là pour enchaîner? Je vais vous passer. Je vous ai dit que les morceaux qu'on trouvait étaient plutôt rares, mais ça ne veut pas forcément dire que les groupes étaient inconnus. Donc là, je vous passe trois morceaux qui ont été un peu délaissés en fait à leur sortie, mais qui ont été produits. Composé par trois artistes assez connus. Donc, le premier, c'est les Pointer Sisters avec Send Him Back. Les Pointer Sisters, elles deviendront plutôt connues dans les années 80 avec I'm So Excited. Ensuite, on a Chubby Checker qui est surtout connu pour le twist. Mais il a aussi fait de la soul. Donc on s'écoutera You Just Don't Know de Chubby Checker. Et enfin, un groupe très connu de la Motown, les Hailey Brothers, avec My Love Is Your Love. On s'écoute tout de suite ces trois morceaux. Et on reparle. Oh, Vous êtes toujours sur Radio Mon Pays, c'était les Hailey Brothers avec My Love Is Your Love. Alors, quel est l'héritage de la Northern Soul ? Eh ben, je vais vous en donner un exemple. J'aime bien, il fait les questions, les réponses. Ouais, mais parce qu'il craint nos questions. Ça, je sais que vous n'avez pas la réponse. Là. Aussi. Même moi, je suis pas sûr. Et j'avoue qu'on est sur une émission assez pointue quand même. Mais bon, c'est d'où la question. D'où la question, Northern Soul, c'est quelque chose que t'écoutais, c'est quelque chose... Comment tu l'as découvert, la Northern Soul ? Dis-nous tout. Bah, je sais, alors j'avoue, je me souviens plus trop, mais ce que je te disais, c'était que mon premier souvenir de Northern Soul, c'était après avoir vu le film qui s'appelle Northern Soul. Donc il y a un film, ouais. Qui est sorti, je sais plus, 2013-2014, par une réalisatrice qui s'appelle Hélène Constantine et qui... Alors je pense qu'elle a participé elle-même au mouvement Northern Soul. Donc elle sait bien de quoi elle parle. Et bon, c'est un film d'ailleurs pas mal, qui est pas mal fait. Donc je vous conseille si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, notamment au niveau du style vestimentaire, et de la danse. Oui, parce qu'on n'a pas eu les mouvements de pas, donc rien que pour ça, on est en erreur, clairement. Donc voilà, je vous le conseille. Alors l'héritage de la Northern Soul. Ouais. Un exemple, c'est donc ça, la Northern Soul, c'est dans le nord-ouest de l'Angleterre. Manchester, c'est dans le nord-ouest. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme groupe connu à Manchester fin des années 70? Ouais, mais c'est pas Oasis. Non, il est trop tôt. Alors, mais ils adopteront le look mods, enfin notamment Gallagher, qui sera très. Ouais. Groupe qui est devenu New Yorker, c'est ça. Voilà, qui est Joe Division. Le nouvel ordre, ouais, Joe Division. Ouais. Joe Division, donc à ce moment-là. Film aussi, enfin, on parle des films, mais Control, le biopic sur Ian Curtis, et, ouais. Je l'ai trouvé pas mal. Il était bien. Ouais. Ouais. Je ne sais plus qui a fait non, ce film. Je ne sais plus qui, je ne sais plus quand, mais je sais que le film est. C'est pas mal du tout. Fin des années 2000, début 2010. Et c'est alors, petite anecdote, c'est durant ce film que j'ai capté que la chanson de Joe Division. She's Lost Control parlait du fait de l'épilepsie. Oui, parce que Ian Curtis était épileptique. Et parce qu'il l'a découvert comme ça en voyant quelqu'un qui avait une crise d'épilepsie, qu'il était épileptique. Et d'où la chanson. Mais c'est pas la chanson dont tu vas nous passer. Parce que non, en fait, la chanson que je vais vous passer, elle n'est pas très connue, mais c'est pour vous montrer un exemple de l'héritage Northern Soul. Donc, à la fin des années 70, le Joy Division, voilà, à ses débuts, ils ne sont pas encore connus. Mais leur manager, parce qu'à cette époque ils sont sur le label RCA, leur manager c'est Derek Brownwood, et lui c'est un mec qui baigne pas mal dans la Northern Soul, et il prend, enfin il est vraiment fan d'un morceau en particulier de Nolan Porter qui s'appelle Keep On Keeping On, et il a vraiment envie de trouver un groupe de post-punk. Enfin, de post-punk, parce que c'est le style qui est en train d'émerger à ce moment-là, pour reprendre ce morceau dans un style post-punk. Et donc il pense à Joy Division, il leur paye le studio pendant 3 jours pour qu'ils fassent une reprise de ce morceau de Nolan Porter. Et bon, ça se passe pas très bien, parce que Joy Division est un peu mauvais pour tout ce qui est cover, bon c'est pas leur truc. Donc finalement, leur reprise ne fera jamais l'objet d'une sortie. Par contre, ça les a quand même marqués, parce que le riff de ce morceau, Keep On Keeping On, ils le reprendront sur leur premier album. Alors là, j'ai un trou, je ne sais plus le nom du premier album de Joy Division. Ça doit être... J'ai plutôt les pochettes en tête. Ouais, ça doit être un éponyme, peut-être. C'est pas pareil là-dessus. Unknown Pleasures, non, c'est pas ça. Il y a un album dans ce style de nom, mais je pourrais pas dire. Je crois que c'est ça. On vérifiera pendant qu'on passe les morceaux, mais donc ils reprennent ce riff sur un morceau qui s'appelle Interzone, qui est sur leur premier album. Donc je vous propose d'écouter le morceau de Nolan Porter original qui s'appelle Keep On Keeping On, qui est sorti en 72, et le morceau sur lequel Joy Division reprend le riff, qui s'appelle Interzone, sorti en 1979. Et ensuite on s'écoutera un deuxième morceau de Nolan Porter qui s'appelle If I Could. could only be sure. Entre parenthèses, Interzone, est-ce que ça ferait pas référence à une notion qui est développée dans les bouquins de William Burroughs, notamment? Exactement. Alors, voilà, je sais pas comment tu sais ça, je l'ai dans mes... Parce que j'ai lu William Burroughs, c'est pour ça. Ah, ouais. Mais c'est dans le banquet nu, là, c'est ça, le... Bah ouais, c'est le festin nu, ouais. Festin nu. Et dans le festin nu, il y a une comment dire, un no man's land qu'il appelle l'Interzone, en fait, et qui, enfin, je pourrais pas le résumer en deux mots, non, comme ça. Donc je vais vous l'épargner. C'était un petit CQFD. On va se lancer les trois morceaux et pendant que ça passe, on cherche le nom du premier album de Joy Division. C'est un peu la honte de pas le connaître. You'll be if you just let me love you, baby. If you just let me love you, baby. If I could read your mind, send and love me, darling. Ooh. If I could read your heart, send and never leave me. Oh no. There isn't anything I would do for you. I'd give my life away, my heart too. Yes, I would. If you just let me love you, baby. If you just let me love you, baby. Let me love you, baby. Plus la troute, Radio Mon Pays 90.1. Donc, petite série, alors, avec le petit riff qui va bien de Joy Division, entre autres. On m'a dit qu'il n'était pas facilement reconnaissable, mais moi je trouve que. Toi, tu trouves que si. On l'entend quand même. C'est bien le principal. Ouais. Du coup. Donc, c'était du deux morceaux de Nolan Porter. Et Nolan Porter, je fais une super transition. Tu sais qu'il a été repris. Pas préparé du tout. Par quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle Paul Weller. Paul Weller, ouais. Paul Weller qui est membre fondateur d'un groupe. Alors là, on fait la transition de ce qu'on disait au début de l'émission entre le Motts et Another Soul, parce que Paul Weller a formé le groupe qui s'appelle The Jam. Donc, groupe qui a duré 6 ans, de 77 à 83. 6 ans, 6 albums, une vingtaine de singles, mais alors pas forcément très connu en France, mais hyper populaire en Angleterre. Et avec un groupe qui a aspiré Oasis, entre autres, Blur, etc. etc. Donc vraiment, donc Paul Weller, et en fait c'est le deuxième groupe emblématique des Mods, le premier c'est les Who, on en a parlé, donc plutôt les années 60, et les années donc 70-80, vraiment le groupe emblématique des Mods c'était les Jam. Donc il y a Paul Weller, il y a aussi Bruce Foxton à la basse, qui lui intégrera plus tard un groupe pseudo-punk mais très bon, les Stiff Little Fingers, et Rick Buckler à la batterie. Donc, et l'idée où on se rejoint, c'est qu'ils se sont inspirés. Alors au début, leur inspiration, c'était plutôt Little Richard, Chuck Berry, qu'ils étaient tout minots, hein, le côté rock et tout. Ils sont passés par aussi les Beatles, mais les Beatles étaient aussi un des premiers groupes Mods dans leur dégaine, dans leur d'où ils venaient, dans leur reprise aussi, leur inspiration. Et forcément, dans les années 70, fin 70, donc ces mouvements de punk qui émergent, ils rencontrent le chanteur d'un autre du groupe punk, du groupe punk, tout simplement, donc des Clash, qui là leur dit, ouais, musicalement, c'est bien ce que vous faites, mais et qui conseille Power d'écrire sur la vie de tous les jours, sur la politique, sur la société, des choses dures, enfin, de ce qui se passe, quoi. Il était basé dans quelle ville, Paul Weller? Paul Weller, c'était pas dans l'Angleterre, hein, c'était aux alentours de Londres. Un petit peu au sud de Londres. Je ne vais pas dire exactement si je retrouve le terme de le nom de la ville, mais c'était plutôt londonien de toute façon après. Après, ils ont tourné dans les clubs londoniens. Hein, les, ouais. Et donc, ils ont aussi fait, ils se sont fait connaître pour, en faisant la première partie donc, des Clash, de Joe Strummer. Et petit à petit, évolution, des premiers albums qui sont plutôt rudes, enfin, limite punk, enfin, dans le style. Et ils vont évoluer vers des morceaux, enfin, voilà, musicalement, et pour finir sur des morceaux vraiment, vraiment sourds. Ils vont reprendre, notamment un premier morceau qu'on va écouter, donc une chanson de Curtis Mayfield, qui s'appelle Moving Up. Et donc c'est un des premiers voilà, un des premiers morceaux soul qui vont reprendre. On écoute Moving Up et on revient après sur les jams. Sur ce groupe jam donc emblématique Mods avec on va dérouler trois morceaux. Alors Paul Weller, comment il va évoluer, donc les Mods, les jams, on a vu 6 ans. Il va former ensuite un groupe qui s'appelle Steel Council, qui va être, on va dire, aller un petit peu, qui va lancer un petit peu le mouvement, donc, le Britpop, ce ouais. Côté-là un petit peu, donc un peu moins, enfin, inspiré de la soul, mais voilà, le côté Britpop. Auparavant, on va écouter un medley Precious War, donc en concert avec War. En fait, War, c'est une chanson contre la guerre du Vietnam. Petite parenthèse, un petite annonce. Normalement, on devrait avoir une émission sur la guerre du Vietnam. Si Pierre-Julien est prêt. Si Pierre-Julien est prêt, il est dans les starting blocks. Donc là, c'était un petit clin d'œil aussi pour dire que d'ici un ou deux mois, il y aurait quelque chose sur la guerre du Vietnam. Donc cette chanson War, elle a été écrite par Norman. Alors, on va essayer de la faire en anglais. Hein, Norman Whitfield et Barrett Strong. La chanson a été reprise par les Temptations sur l'album psychédélique Shack, mais en fait elle n'est jamais sortie en single, donc elle était totalement oubliée. Attends, elle a été reprise par les Temptations, ouais. Ou elle a été composée par... Elle a été reprise a priori, parce qu'elle est composée par Norman Whitfield et Barrett Strong. Maintenant, ouais, ma culture est... Mais qui sont dans les jams, Norman Whitfield et... Non. Okay. Non, c'est composé par des Afro-Américains. Et après, reprise, ressortie du placard par Temptation, mais finalement pas sorti en single par la Motown. Et donc, repris, alors pour le coup, on est dans le créneau de t'expliquer sur le Northern Soul, quoi. C'est-à-dire ouais, c'est, repris par c'est les... l'héritage Northern ouais, Soul, parce que je vois que tous les morceaux datent de 80-84, là. Donc c'est juste après. On est carrément là-dedans. Alors c'est pour la deuxième partie du morceau concert qui s'appelle War, qui a été repris d'ailleurs par Frankie Goes to the Good. Ah ouais, ok. T'as pas l'air, t'as l'air dubitatif. J'en sais rien. Je connais pas Frankie Goes to the Good. De nom, il n'y a pas. C'est pas Relax. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, c'est ils ont repris War aussi. War, tout. Enfin bref. Okay. Tu verras peut-être dans le. Donc on va écouter ces morceaux, après un petit morceau quand même pour voir ce que faisaient les jams sans soul, sans inspirer, un morceau qui s'appelle Tales from the River Bank, et puis on écoutera enfin le morceau, comment on appelle ça, le morceau phare, emblématique, mais, emblématique phare, voilà, de Sal Consilis qui s'appelle Shot to the Top. Vous verrez qu'on est sur l'abri de pop là, c'est ouais, toujours utile, alors que Powell était quand même quelqu'un d'assez nerveux et dans sa jeunesse, mais là il s'est adouci avec Cell Council, c'était un peu comment dire, petite, il avait quel âge à cette époque, enfin, j'en sais rien, c'était, en fait c'était son début la petite trentaine. Non, c'était après The Style Council, c'est après The Jam, c'est ça? Ah oui, ouais. les Jam c'est 77-83, après 84 il forme Cell Council, après okay, il jouera solo. Où il participera par exemple avec Oasis à des morceaux, enfin des albums, mais ouais, c'est après, ouais, je pense la trentaine, ça, le Council. Tout juste la trentaine, donc un peu, c'est un peu acidulé, quoi. Mais c'est dansant aussi, j'aurais bien dansé avec un pantalon large. Allez, on écoute Pêcheux Soir, Tales from the Riverbank de Jam et Style Council, toujours de Power Air. Et les mots étaient revenus sur les antennes. De vrai. This is all, you mean so much, you never stop me, well I just lose touch, and I want to say, but my words is fair, sad in the soul, I can help myself, and I hope you can help, you help myself, when I'm up for love. We'll be right back. Fields where we ran and we were We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. C'était Paul Weller avec The Style Council, Shout to the Top, en 1984. Alors on va repartir sur la Northern Soul. Alors j'ai dit en introduction qu'il y avait quelques caractéristiques techniques à la Northern Soul, le son Motown, le rythme en 4-4. Mais au fur et à mesure que le mouvement avançait dans les années, le style musical s'est un peu diversifié, donc on a... de plus en plus écouté des vieux sons de rhythm and blues qui étaient quand même toujours produits par la Motown et parfois même plus du tout interprétés par des afro-américains. Donc c'est le cas des trois morceaux que je vous propose d'écouter maintenant, et après on parlera un peu justement de la Motown, parce que c'est il y a deux morceaux sur trois là qui sont de la Motown. Donc c'est There's a Ghost in My House de Richard Dean Taylor et I'll Always Love You des Spinners, et on s'écoutera aussi Frankie Valli avec The Night. Donc je vous propose d'écouter ces trois morceaux, on se retrouve pour un petit rappel, un petit topo sur la Motown avec Stéphane. oui, c'est les autres. C'est les faux. Les faux. Les faux skins. Les faux skins. Ce qu'on disait sur, par rapport au déroulé. On revient justement sur la notion de mode. J'avais un petit quiz simplement pour faire le lien entre les Jam et le Style Council de Paul Weller. Il y a un groupe anglais, alors ils sont deux, ils en parlent dans une de leurs chansons, qui est plutôt connue, et ils parlent, ils disent en fait, virer le style, on veut le jam. Donc tu vois, en anglais, kick out the style, bring back the jam. Ça c'est dans la chanson. Alors, the MC5, non c'est pas ça. Non, c'est un groupe anglais, un peu new wave, pop, qui a eu son petit succès dans les années 80. Ils sont deux, il y en a, le chanteur, je crois, il a un nom consonance plutôt espagnol ou argentine. Non, ça va pas. Il y a l'arme dedans. L'arme. Tears for Fears. Tears for Fears, dans la chanson, comment ça s'appelle Shout. Sowing the Sins of Love, qui est très, je vais pas vous la chanter, mais j'imagine, oui. Il parle donc du Style Council et des Jam. Bon voilà, on clôt ce côté-là. Merci pour le retour des mods sur les plages de Brighton qu'on a entendu en fond. On parlait de la Motown par rapport aux trois morceaux. L'idée quand même de la Motown, on précise que c'était quand même un label qui était la musique soul, mais destinée pour le public blanc. Il y avait la contrepartie qui était au sud à Memphis, qui était donc le label Stax. Qui lui était beaucoup plus soul mais engagé politiquement par rapport, enfin, je resitue par rapport à la thématique de l'émission. Et donc le label Stax, lui, il était c'était vraiment la défense des droits civiques afro-américains, alors que la Motown, c'était la phase commerciale en fait. Hein. C'est des love songs, la Motown. C'est des love songs. Ouais. Voilà, c'était simplement pour préciser ce côté sur les deux grandes maisons de disques de soul. Encore un thème qu'on voulait faire aussi dans l'émission, un topo sur les différentes maisons de disques, jazz ou les autres, mais ça c'est encore autre chose. Et sur le côté politique de la Motown, d'ailleurs, c'est important, c'est que le mouvement Northern Soul, on a fait, dans la littérature, on a qui font des rapports entre la Northern Soul et le combat des Afro-Américains pour les droits civiques, parce que la Northern Soul, c'est des ouvriers. Mm-hmm. Donc il y en a qui se disent qu'il y a un rapport entre le fait qu'ils écoutent de la soul et le fait que les Afro-Américains soient emparés de la soul pour revendiquer leurs droits. Ouais. Mais en vérité, le consensus c'est plutôt dans la Northern Soul, c'est plutôt apolitique quand même. Ouais, c'est amusement, ce qu'on a vu tout à l'heure, danse, danse et machin. Même si la soul, à la limite, c'est l'âme. Hein. On en avait parlé quand on avait l'émission de Soul, mais il faut pas le fameux I'm Soul Man, c'est la chanson qui revendique la fierté d'être l'homme noir, l'âme afro-américaine. Et du coup, ce mouvement en Northern Soul, il va durer ou il va péricliter doucement de sa belle mort, il va donner quelque chose? Il va péricliter, bien sûr, à partir de la fin des années 70. En fait, naturellement, vu que le concept de base de la Northern Soul, c'est de choper des morceaux qui sont rares, et qui appartiennent à une certaine période du passé, donc forcément au bout d'un moment le matériel se tarit, donc ils ont plus ils trouvent plus rien à passer, donc ils vont commencer à expérimenter des nouveaux genres musicaux. Là on vient d'écouter un peu d'ailleurs des morceaux plus rhythm and blues, mais qui était quand même sorti sur le label Motown, mais ils vont aussi se mettre à écouter des morceaux qui vire carrément vers le disco, et donc là c'est le moment où ça périclite. Et aussi il y a un phénomène important, c'est le fait que ça devient un phénomène plus populaire alors que c'était une sous-culture, et donc il y a des groupes carrément qui se constituent, des nouveaux groupes, parce que le truc de base de la Northern Soul c'est de diguer des anciens morceaux, là il y a des nouveaux groupes qui se créent. Alors, pour diguer, créer des nouveaux morceaux dans le style. Tu peux préciser diguer ce que ça veut dire, hein? Diguer c'est chercher des disques plutôt rares, quoi. Et du coup là il y a en Angleterre il y a des groupes qui se constituent pour créer de nouveaux morceaux qui s'apparenteraient au style soul Motown, et là ça va pas du tout plaire aux puristes. Le côté old school qui voilà. Oui, ça vit de sa substance en fait. Et clairement. Notamment, il y a un groupe, alors c'est les Wigan's Ovations, qui viennent de Wigan, quoi. Et qui vont devenir très populaires, genre ils vont passer à Top of the Pops, la grosse émission en Angleterre, qui est vraiment abhorrée par les mods et par les gars de la Northern Soul. Et ça va entériner la fin de... Et donc ça va entériner la fin du moment où on trouve plus de nouveaux morceaux, ça devient commercial. Donc ça périclite et le mouvement va disparaître peu à peu à partir de la fin des années 70. Maintenant il y a quand même dernièrement ça a toujours été ça a toujours continué dans l'ombre. Mm-hmm. Mais quand on regarde les vidéos sur YouTube aujourd'hui des réunions dans Northern Soul, on voit que c'est quand même des têtes grisonnantes c'est qui écoutent toujours les mêmes morceaux. Il y a, forcément ça peut pas survivre comme ça. Donc là qu'est-ce qu'on voulait passer, c'est moi qui ai la main. Bien sûr, c'est toi qui as la main. Enfin, c'est surtout le technicien qui a la main derrière DJ Bizou, mais tu lui fais signe et il envoie ce que tu veux comme son. C'est ça qui est bien. S'il me regarde. Moi je voulais passer, pour préparer l'émission, je me suis beaucoup servi, surtout pour la playlist, il y a un DJ, DJ qui Bizou. S'appelle Kev Roberts. Ah non. Non, c'est DJ Bizou, il n'était pas encore né, mais DJ Kev Roberts qui appartenait à la scène Northern Soul. Et qui a, l'an 2000, il a mené une enquête auprès des fans de Northern Soul pour voir quel était le top 500 des morceaux les plus populaires. Et donc je me suis servi beaucoup de ça sur la playlist et pour faire la playlist. Et donc je vous propose d'écouter 4 morceaux qui appartiennent à ce top 500 et qui sont assez bien classés. Donc c'est Love Love Love de Bobby Ebb, sorti en 66, My Man, Sweet Man de Millie Jackson, Gone With The Wind Is My Love de Rita and the Tiaras et Seven Days Too Long de Chuck Wood. On écoute ces 4 morceaux tout de suite qui sont des vrais hymnes de la Northern Soul.